Le dossier tenu secret, Christian Drosten. Le coronavirus a fait du virologue Christian Drosten l'homme le plus recherché de la République et une star. Dans cette émission, cependant, un dossier en quatre parties doit maintenant être ouvert, qui montre un visage complètement différent de Christian Drosten et met en lumière des arrière-plans peu connus, mais lourds de conséquences. Avec son étude non scientifique et son test PCR Covid-19 inapproprié, basé sur celle-ci, un seul homme a piloté de manière significative l'ensemble du scénario du coronavirus, Christian Drosten. Le dossier Drosten, partie 4. Christian Drosten et ses multiples conflits d'intérêts. Drosten et Lant ont apparemment découvert un modèle économique de réussite. On peut douter qu'Olfert Lant remporte tous les succès économiques ici, ne laissant à Drosten que la renommée.